بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة 46، الآن 46 مسألة، نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومثبتهم له. C'est-à-dire qu'ils attribuent les choses, tout ce qui se passe au temps, et qu'ils l'insultent. مثبت الدهر كقولهم في قول الله عز وجل وما يهلكنا إلا الدهر. Qu'ils offensent le temps en disant dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit « Rien ne nous fait périr, si ce n'est le temps. » « وهذه المسألة » elle ressemble, entre autres, à la parole des athées, qu'ils prétendent que toute chose vient de l'évolution. La création provient de l'évolution. Que les choses ont évolué, se sont adaptées les unes aux autres, comme ça, par hasard. Ça ressemble à ça. Ils disent pas le temps, mais l'évolution, ça revient à parler du temps. فقال الشارح حفظه الله تعالى الذين ينسبون الحوادث للدهر منهم الدهرية. Donc ces gens qui attribuent tous les faits au temps, on les appelle les dahriya. Dahriya près de dahr, qui veut dire temps. Comme ça, s'il y a une chose mauvaise leur arrive, ils se mettent à reprocher le temps, à remettre ça au temps. C'est l'époque, c'est le temps, akaza akaza. فالواجب أن تنسب الأشياء إلى خالق إلى الخالق سبحانه وتعالى والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات الله ليس عنده تصرف. Donc ce qui est obligatoire, c'est d'apporter les choses à leur créateur سبحانه وتعالى. Et le dahr, c'est juste le temps qui est une créature parmi les créatures d'Allah سبحانه وتعالى, et il n'a aucun contrôle. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà blâmé cela en ceux qui attribuent les choses au temps. Biqouli azza wa jal wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Qu'ils ont dit que ce n'est que notre vie en ce bas monde. Nous vivons et nous mourons. Et seul le temps nous fait périr. Car cela revient à renier le jour dernier et à renier la résurrection. Car ils disent, nous vivons, nous allons périr. Nous allons vivre, nous allons périr, après c'est fini. Akaza. Que cela, c'est la nature de la vie. C'est comme ça, on vit, comme on dit, c'est la vie, on vient, on s'en va, c'est fini. Donc eux, ces gens-là, ça revient également à la masala juhud arab, qui revient à renier l'existence d'un créateur. Car les choses, ils les rapportent à la création. Que la création se fait d'elle-même. Vu que le temps, c'est la création. Et principalement, ils disent, c'est le temps qui passe. Les heures qui passent, les jours qui passent, c'est ça qui fait qu'on meurt. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, La tasubbu ad-dahr, fa inna Allah huwa ad-dahr. N'insultez pas le temps. Car, c'est Allah, le temps. Car les gens, lorsqu'une chose ne va pas, ils s'en embêtent au temps. C'est une sale époque. C'est ceci, c'est cela. C'est une mauvaise heure, c'est une mauvaise journée. Regardez les cas. En attribuant les causes à la journée en soi. Car le fait de dire, par exemple, aujourd'hui, c'est une dure journée, mesalène, par rapport à tout ce qui s'est passé, sachant que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il t'est arrivé beaucoup d'épreuves, ce n'est pas insulter le temps. Là, c'est un irbar. Ou qu'on veut dire, aujourd'hui, il fait froid. Raïdalika. Mais eux, leur but, c'est d'insulter le temps lui-même et de le mettre comme étant la cause de ce qui leur arrive. Azafork, beynahouma. Et le dahr, ce n'est pas parmi le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, le sens voulu, ce n'est pas que dahr min asma'illah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été expliqué par un autre hadith. Comme a dit le hadith Qudsi, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jal, يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. Donc il dit que le fils d'Adam m'offense, car il incite le temps, et c'est moi le temps, car c'est dans mes mains que se trouve le décret. Je retourne la nuit et le jour. هذا هو المعنى. Le dahr, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle en fait. Mais le dahr n'est pas min asma illah. Wa khalqun min makhluqatillah. C'est une création. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine le temps, les journées, les nuits, les années, les siècles, et les alika. Donc ça c'est parmi les masses de la jahiliya que ces gens-là attribuent les choses au temps. Et lorsqu'une chose mauvaise les atteint, ils s'en prennent au temps. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Que n'est pas un mal qui vous a touché sans que vos mains en aient été la cause. Donc là, dans ce moment-là, il ne faut pas s'en prendre autant, il faut s'en prendre à soi-même. Comme le Shir le dit dans l'explication, revenir à soi-même. Se remettre en compte et faire tauba des péchés qu'on a commis. Et non pas s'en prendre autant. Naam. ثم قال في المسألة السابعة والأربعين 47e مسألة كفرهم بنعم الله leur mécréance envers les bienfaits d'Allah, c'est-à-dire ils sont ingrats. فقال إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, qu'ils attribuent les bienfaits d'Allah à autre que lui. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit ils reconnaissent les bienfaits d'Allah puis les renient. هذه المسألة الكفر بنعمة l'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chien est dans le char. إضافة النعم إلى غير الله سبحانه إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى شرك بالله وكفر به وهو من أعمال أهل الجاهلية. Donc le fait d'attribuer à autre que Allah ses bienfaits, cela est de la mécréance et de l'association, et cela fait partie des actes des gens de la jahiliya. الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وأكثرهم الكافرون. Qu'ils reconnaissent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala puis les renient, et la plupart d'entre eux sont mécréants ou ingrats. Donc là le shir dit que ce verset est interprété de deux façons. Première interprétation qui a été faite, c'est qu'ils, quand ils disent يعرفون نعمة الله, c'est-à-dire que ils reconnaissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager. Et par la suite, ils renient cela, par obstination et par orgueil. Alors qu'ils reconnaissent au fond d'eux qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils reconnaissent le bienfait d'Allah, que Allah leur envoie un messager, et que c'est la plus grande ni'ma sur les êtres humains, l'envoi de ce messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il refuse ce messager. Hein, il le conteste et s'oppose à lui. Donc là, c'est l'une des explications du verset. L'autre, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent les bienfaits d'Allah, par exemple tout ce qu'il leur a accordé en ce bas monde, comme Dunya, ou les Alika, ils le reconnaissent. Et par la suite, ils se les attribuent à eux-mêmes. Tamam, هذا إلى قوتهم. Ou les zakaihim, ou les kasbihim, que cela c'est par leur intelligence, que cela est dû à leur force, que cela est dû, cela revient à eux-mêmes, qui sont la cause de ces bienfaits. Comme ce fut le cas de Qarun, par rapport à sa richesse, qu'est-ce qu'il a dit, comme Allah Ta'ala, innama utituhu ala ilmin indi. Cela ne m'est attribué que par une science que j'ai. Donc Qarun, cette richesse que Allah Ta'ala lui a accordée, il dit qu'elle lui revient. C'est-à-dire que ces gens-là voient que cela est un droit qui leur revient, qu'ils le méritent. Azahu. Et comme ce fut le cas justement du long hadith des trois de Bani Israël, qui étaient atteints de maladie, un qui était abras, un qui était chauve, un qui avait une maladie de la peau, l'autre qui était aveugle. Et que l'ange leur est venu les uns après les autres. Il a dit au premier, qu'est-ce qui est Ma'u habbouchei ilaik. Quelle est la meilleure chose auprès de toi? Il dit de retrouver une belle peau. Donc après l'ange lui a invoqué Allah qui lui rendit une belle peau. Il lui dit, quelles sont les plus belles richesses que tu préfères? Il lui dit les ibil, les chameaux. Il lui fut accordé une chamelle pleine. Et par la suite, la baraka fit qu'il eut un wadi, une vallée complète de chamelle. Après, il se rendit auprès du deuxième, qui lui était chauve. Et il lui demanda, quelle chose est plus aimée auprès de toi? Mahabul Ashaylik. Qala, Shar Hassan. Il dit des beaux cheveux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait une belle chevelure. Par la suite, l'ange lui dit, et quelles sont les richesses qui sont les plus aimées auprès de toi? Il dit, Al-Bakar, la vache, mathalan. Il lui fut accorder une vache pleine. Et par la suite, il s'en retrouva avec des troupeaux entiers de vaches. Ils se sont rendus pour le troisième qui était aveugle. Que Allah me rende la vision, que je puisse voir les gens. Il invoqua Allah pour lui, Allah lui rendit la vue. Il lui dit, quelles sont les plus grandes ou les meilleures richesses auprès de toi? Qu'est-ce que tu préfères comme richesse, comme bien? Il dit, Al-Ghanam, les troupeaux d'ovins, comme les moutons ou les alikas. Il lui accorda par la suite des vallées entières remplies de moutons. Quelque temps après, cet ange se rendit auprès de ces gens-là, sous leur propre apparence, sous la forme d'un voyageur perdu. Et il dit au premier, en lui faisant comprendre, il est lu sous sa propre apparence de cet homme qu'il avait auparavant. Il lui dit, aide-moi dans mon voyage, par celui qui t'a donné une belle peau et qui t'a donné plein de richesses, de m'aider en me donnant quelque chose de tes biens pour m'aider dans mon voyage. Et l'autre, il a refusé. Il a dit, cette richesse que j'ai là, c'est un droit que j'ai à moi, j'ai hérité de mes parents. Et ainsi de suite. Et donc il lui a dit, Ukaziban, فَرَدَّكَ اللَّهُ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ. Si jamais tu es un menteur en ce que tu dis, alors que Allah te rend comme tu étais auparavant. C'est-à-dire pauvre, et avec cette maladie de la peau. Il s'est rendu auprès du deuxième. Il dit la même chose. Il lui dit, ces richesses-là, je les ai héritées. C'est un héritage. Il le dit comme à l'autre. إِنْ كُنْتَ كَذِبًا سَيِّرَكَ اللَّهُ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ. Que Allah te rende comme tu étais auparavant, si jamais tu es un menteur. Il s'est rendu auprès du troisième qui était aveugle, qui a rendu la vue. Et lui, contrairement aux autres, il leur a dit, tout ce que j'ai là, c'est Allah qui me l'a accordé. Prends ce que tu veux, délaisse ce que tu veux. Je ne pourrai rien te refuser. Donc ça, c'est ce hadith, c'est l'azim, il apporte, justement, il met l'accent sur le fait que l'être humain doit être reconnaissant envers les bienfaits de son Seigneur. Surtout celui qui était dans une détresse, une grande dureté, et par la suite, Allah l'a facilité, et il sait très bien que c'est Allah qui lui a accordé cela. Et ça, c'était des gens parmi les bannis Israël, qui ont agi de la sorte. Donc les bienfaits, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui qu'ils reviennent et c'est lui qu'on doit remercier. Et c'est pour ça qu'on doit se soumettre et lui obéir. On doit le remercier pour tous ses bienfaits. Et le fait d'attribuer ses bienfaits autre que lui, cela est de la mécréance et cela est parmi les sifats des gens de la jahiliya. Thumma qala al-mas'ala al-thamina wa arba'un. 48e mas'ala. Kufruhum bi ayatillahi jumla. Et elle est liée à la mas'ala qui est après, qui est le mas'ala al-tasi'a wa arba'un. Qui est kufruhum bi ba'di ayatillah. Donc la première mas'ala, qui est la 48e, qu'ils mécroient en tous les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle d'après, c'est en certains versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, les premiers, ceux qui renient totalement les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux sont les mouchidikoun. Encore le ta'ala, inna lazina kazzabu bi ayatina wa stakbalu anha, la tufattahu lahum abwabu sama. Que ceux qui ont démenti nos versets et qui sont enflés d'orgueil, ceux-là, les portes du paradis ne leur sont pas ouvertes. Ou plutôt, les portes du ciel ne leur sont pas ouvertes. Wa qala ta'ala, wa lazina kafaru bi ayatillah wa liqa'ih, ulaika ya'isu min rahmati. Que ceux qui ont mécru au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa rencontre, ceux-là ont désespéré de ma miséricorde. Fahada kama qala shaykh, ça c'est le sha'an des mushrikin. Même aujourd'hui des athées ou de tous ceux qui n'ont pas de livre. Ils mécroient au verset d'Allah totalement. Ils mécroient au Coran. Ils mécroient à l'Injil, qu'il est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils m'y croient en la Torah. Et tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ils y m'y croient tous. Ils n'y croient pas. Wa thani kufruhum bi ba'd ayati Allah, qu'ils m'y croient en certains, hadha kama qala shaykh, les gens sont différents là, ça vise les gens du livre. Les gens du livre. Il y en a l'Ahl al-Kitab et l'Ahl al-Jahiliya. Al-Yahoud ou Nassara, c'est des gens de la Jahiliya. Il dit Ta'ala, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Est-ce que vous croyez en certains versets et vous me croyez en d'autres? Et quelle donc rétribution pour celui qui fait cela parmi vous, si ce n'est l'avilissement en ce bas monde? Donc ces gens-là ne prennent que ce qui correspond avec leur passion. Que ce soit les Nassara ou les Yahoud. Et le reste, c'est le délaisse. Ils ont mécru, ils prennent certains versets et mécrouent en d'autres. Les versets présents dans leur livre qui les arrangent, ils les prennent. Les autres, ils les refusent même dans leur propre livre. Ils n'acceptent pas. C'est pour ça qu'ils ont été les changer et les modifier. Ou les interpréter selon une interprétation qui est un ta'wil qui est faux, un tafsir qui est baratil. Thumma qala al-mas'ala al-khamsun. Cinquantième mas'ala. Juhuduhum inzal al-kutub ala juhuduhum inzal al-kutub ala al-rusul. Qu'il renie le fait que les livres soient descendus sur les messagers. Kakouli azawajal ma anzal Allah ala basharin min shay. Dans le sens relatif rapproché, voilà, il dit, selon les Yahoud, qu'ils aient dit quoi? Que Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Taïeb. Comment cela? Sayati. Qala al-Sheikh fi sharh adil faqra. Qala al-Yahoud, ma anzalallahu ala bashri min shay. Ça, c'est la parole des Yahoud qui ont dit cela. C'est-à-dire qu'ils ont mécru en cela, ils ont rejeté en cela tous les messages. Et ils ont refusé la révélation. Et qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? Il y a une raison. C'est leur jalousie envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour pouvoir refuser Mohammed, ils doivent tout refuser. C'est pour cela que dans le même verset, que Allah leur répond en disant « Qul man anzala al-kitab alladhi jahabi Moussa nuran wa hudan linnas » Donc qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa contenant une lumière et la guidée pour les gens? Pourquoi? Car vous dites que le livre avec lequel Moussa est venu provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Moussa n'est-il pas un humain? C'est un être humain. Donc comment vous dites « Ma anzalallahu ala basharin min shay » Donc ça c'est une contradiction des Yahoud. Et ça vient pas de nos têtes. Il faut bien savoir que ce kalem-là, c'est le kalem d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qu'eux ils ont dit ça. « Ma anzalallahu ala basharin min shay » Que Allah n'a rien fait descendre sur les humains. C'est les Yahoud qu'on dit cela. Bien qu'on sait qu'ils reconnaissaient leurs prophètes. Et le chien a expliqué, ils ont dit cela, pourquoi? C'est leur jalousie envers Mohammed qui les a contraints à dire cette parole-là. C'est comme les gens qui croient quelque chose et le jour où ça ne s'arrange pas, ils rejettent tout en bloc. Pourquoi? Pour ne pas que cette chose-là soit contre eux. Donc comme il dit, vois comme la jalousie, l'effet qu'a la jalousie sur les gens. Et ça ressemble au kalem des Jahmiyyah qui disent que le Coran ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la sunna n'est pas une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste un ijtihad du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa adhaqoul kufrun. Bila shak. Wal Jahmiyyah min ashad al firaq al-islamiyya. Aw lati tantasib ila l'islam. Le Jahmiyyah à la base sont les kuffar. À la wajh al-umum. Le Jahmiyyah c'est une secte qui s'apparente à l'islam et sont les kuffar. Leur croyance, c'est une croyance de kufr. Et eux, ils voient que le Coran n'est pas là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la sunna n'est pas une révélation. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, cela vient de lui-même. Wali'azu billah. Et la réponse à tout cela est très facile, l'écho nous prend de tout. Auprès de la plupart d'entre vous, alhamdulillah. On n'est pas là pour répliquer au Jahmiyyah, mais juste pour citer que le Jahmiyyah, qui est une secte égarée, et même mécréante, tient des propos similaires. Fuma yukmil bil mas'ala al-hadiya والخمسين 51e مسألة وصفهم للقرآن بأنه من كلام البشر Qu'ils décrivent le Coran comme étant une parole d'un être humain. قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر Que cela n'est qu'une parole d'un humain. Adam Nkoul, أهل الجاهلية. Parmi les gens de la jahiliya, c'est ce qu'ils disent. قال الشيخ الفوزان في الشرح من مسائل الجاهلية أنهم يقولون إن القرآن قول البشر كما قاله الوليد بن المغيرة Que les gens de la jahiliya, parmi eux, ils disent que le Coran, c'est une parole d'être humain. Ça n'est pas d'Allah SWT. Ce fut le col de qui? Al-Walid ibn Mughira, al-Mushrik. Donc là, ça vient la masala du Coran, Hel wa kalamullah. Et le Coran, wa kalamullah, tamaman, la parole d'Allah SWT. Il a parlé avec laquelle il a parlé réellement. Et qu'il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de Jibril. Fa wa kalamu hakikatan. وسماه كلامه في آيات كثيرة. Il a nommé comme étant sa parole dans plusieurs versets. منها حتى يسمع كلام الله. Afin qu'ils entendent la parole d'Allah. C'est-à-dire pour le mushrik. يريدون أن يبدلوا كلام الله. Ils veulent changer la parole d'Allah. Donc Allah SWT a attribué la parole. C'est attribué la parole à lui-même. Que c'est sa parole à lui. فالكلام من صفات الله. Ses attributs. وصفاتullah غير مخلوقة ne sont pas créées. فمن يقول أن القرآن وكلام الله هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتباع الرسول. Cette croyance de dire que le Coran est la parole d'Allah, c'est la croyance des gens de la Sunna et des suiveurs du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les mouchriquins au fond d'eux savent que c'est le kalam d'Allah et non pas celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Allah dans le Coran les a défiés de venir avec un Coran pareil, ils n'ont pas pu le faire. Donc si c'est une parole de Bachar, ils auraient pu faire comme lui. Apporter les gens les plus éloquents et leur dire faites pareil. Et ils n'ont pas pu. Ce qui démontre que ce kalem n'est pas un kalem de Bachar. Ça revient à ce qu'on avait dit que parmi les miracles envoyés à chaque prophète, parmi ceux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le Coran. Car les Arabes, parmi les grandes vertus qu'ils avaient, il y avait l'éloquence dans le parler. Donc Allah s'en est avec un livre d'une éloquence extrême qu'il aurait impossible de pouvoir reproduire et de pouvoir concurrencer. Car c'est celle du Créateur. Et ne sont que des créatures. Fal Qur'an wa kalamullah. Tamaman. Donc parfois ils viennent avec différentes paroles. Des fois ils disent que c'est du sihr. Des fois ils disent que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appris des gens du livre, et ainsi de suite. Trouve différentes interprétations pour pouvoir rejeter le statut divin de ce livre. Donc celui qui a pour croyance que le Coran, c'est la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'un bachar, ça c'est le même call que les gens de la Jahiliya, sur lequel se trouve le Jahmiya, les Mu'tazila et ceux qui leur ressemblent. Taïeb qui disent que le Coran il n'est pas makhlouq. Ou plutôt Afwan, qui disent que le Coran il est makhlouq. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et l'a mis en Jibril, qui par la suite l'a apporté à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa dit à quoi le baratila? Wadihi min masa'il al-jahiliya. Donc regardez bien, même les bid'a. Leur origine provient des gens de la Jahiliya. D'où l'importance de bien connaître ce sur quoi étaient les gens de la Jahiliya pour pouvoir reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous par l'islam. Naam. Fa'ilyum, akhazna, on a appris qu'ils attribuent toutes les choses au temps. Tout ce qui se passe comme fait, comme action, ou autre, la vie, la mort, ils le remettent au temps. Donc, lorsque les choses ne leur prennent pas, lorsque les choses ne leur conviennent pas, ne leur plaisent pas, ils se mettent à insulter le temps. Et insulter le temps revient à insulter Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui le contrôle. Qu'ils mécroient au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont ingrats. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme bienfait. Qu'ils mécroient au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans leur totalité, ou partiellement. Dans leur totalité, ce sont les mouchidekoun. Et les athées. Et les mécréants, autres que les gens du livre. Et ceux qui mécroient en certains versets, eux, هؤلاء اليهود والنصارى أهل الكتاب كذلك qu'il refuse, qu'il renie que les livres furent descendus sur les messagers. Et ça, c'était un coup des Yahoud pour pouvoir refuser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi leurs shubuhat. C'est-à-dire leur jalousie les a contraints, les a poussés à dire du kufr. Car au fond, ils savent très bien. Car ils sont des gens du livre. Et ils croient au livre de Moussa, à la Torah. Et pour finir, qu'ils ont décrit le Coran comme étant une parole d'être humain. Yannien ou makhlouk. D'accord? Que c'est une parole d'être humain, subhanahu wa ta'ala. Que c'est une parole d'être humain. Fabien d'accord de Naktafi, ou Nakul, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruk, wa atubu ilayk.